qui nous amène à les paroles des autres. Et cette fois-ci, c'est la chanson thème de la chronique « Arrête avec tes questions ». Oh! Ouais, les enfants demandent toujours pourquoi. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules. Est-ce que les chevaux baillent? Que fait le Père Noël le reste de l'année? Il va où? Spider-Man en vacances? Est-ce que les poissons peuvent bronzer? L'infini, ça va jusqu'où? Et pourquoi papy, il est vieux? Comment font les pingouins pour se moucher? Est-ce que les schtroumpfs font pipi tout bleu? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules. C'est quoi le temps qui passe? Pourquoi si je baille, tu bailles aussi? Qui fait tous ces trous dans le fromage? Quand on est mort, c'est pour la vie. Que fait la petite souris de toutes nos dents? Pourquoi les îles sont au bord de la mer? Une poule constipée fait-elle des œufs durs? C'est grand comment l'univers? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules. Ta maman se charge des commandes et pourquoi. Les où et les quand sont pour ton papa. Écoute-moi pour la dernière fois. Il y a plein de choses, mon petit gars, qu'on sait pas. C'est comme ça, la la la. On peut pas tout savoir non plus. Est-ce que les huîtres, elles ronflent? Pourquoi Superman met son slip sur son pantalon? Et pourquoi la colle, ça colle? Pourquoi les carrés, c'est pas rond? Pourquoi les biscuits durs deviennent mous? Et les biscuits mous deviennent durs? On est où? Avant de naître? C'est quand qu'on arrive? Qui c'est qu'a inventé la pluie? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules. C'est vrai, il y a des fois. Bon. C'est quoi une question? C'était les paroles des autres pour cette fois-ci. On va entendre Les questions, une pièce de Aldebert. C'est sur son album Enfantillage. Et puis, c'est très, très bon, très enfantin. Ça pose plein de questions super pertinentes. Moi, j'avoue que ces questions, je m'y pose tout le temps, mais... Oui. Des fois, tu te retiens parce que... Des fois, ça saoule, hein, les questions? Ben oui. On préfère un arrêt avec tes questions, avec ces questions-là. Ah oui! Ah oui! Est-ce que les schtroumpfs font pipi bleu? Oui. Est-ce qu'une... Pourquoi un carré, c'est pas un cercle? Ouais. Et une poule que la diarrhée fait-elle les... Non, c'est ça? Non, est constipée. Une poule qui est constipée fait-elle les œufs durs? Voilà. Donc, Guillaume Aldebert, auteur, compositeur, interprète français. Donc, allez voir ces informations-là sur assemblagerequis.com. Tout est là, toutes les infos. Et on fait les paroles des autres quand ça donne à Assemblage Requis. Oui.